Le Noël des 50 ans Carrefour. Avec la garantie prix le plus bas sur 200 jouets et jeux vidéo de grandes marques. Comme le jeu Nintendo 3DS Luigi's Mansion 2 à 34,90€ chez Carrefour alors qu'il est à 43,64€ chez Auchan. C'est le Noël le plus merveilleux. Carrefour, 50 ans de prix. Bah. Prix en vigueur dans les magasins Carrefour depuis le 19 octobre. Prix moyen constaté du 18 au 22 octobre dans 68 magasins Auchan. Détails et modalités de la garantie prix le plus bas sur carrefour.fr. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une émission savoureuse que nous propose Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Une émission en effet pleine d'arômes, de saveurs, de parfums envoûtants. Nous allons parler cannelle, poivre, muscade, girofle en compagnie de Catherine Khodorowski et nous allons du coup beaucoup voyager. Je vais même en profiter pour vous narrer les aventures du bien nommé Pierre Poivre. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Tirza à propos de l'expression « c'est pas le Pérou ». Eh bien si, justement, aujourd'hui, dans Au cœur de l'histoire, c'est le Pérou. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Si vous êtes allé à l'île Maurice, ou mieux encore si vous êtes originaire de Maurice, il est très probable que vous ayez entendu ce nom facile à reconnaître, Pierre Poivre. Pierre Poivre était cet explorateur, ce botaniste qui a créé le fameux jardin des pamplemousses, on en reparlera bien entendu, un homme somme toute assez méconnu. Son arrière-petit-neveu, alors extrêmement connu lui, Patrick Poivre d'Arvor, dans la réédition des mémoires de Pierre Poivre, écrit « Un esprit méconnu, aventurier, philosophe, humaniste, bourlingueur, botaniste, explorateur, Pierre Poivre à l'étoffe d'un héros type du XVIIIe siècle. Malheureusement, quoique doté d'un fort caractère et d'un goût effréné pour l'indépendance, y compris à l'égard de son roi et de la cour, il n'accomplit jamais d'action d'éclat qui aurait pu lui assurer une postérité égale à celle des grands noms de la Compagnie des Indes. Il n'avait qu'un goût modéré pour la publicité. En un mot, c'était un sage. Je crois qu'en effet, nous allons découvrir toute l'étendue de la sagesse de ce Pierre Poivre, dont l'histoire, disons-le, relève du roman d'aventure. On la connaît cette histoire par ses écrits, car il se trouve que Poivre écrivait beaucoup, des journaux de bord, bien entendu, et puis des mémoires de voyage, comme on en faisait alors, ainsi que des lettres. Et c'est peut-être d'ailleurs dans les lettres qu'il faut aller chercher tout le suc du personnage. J'allais dire, pour faire un mauvais jeu de mots, toute l'épice, nous y viendrons tout à l'heure. Alors, l'origine de notre homme, c'est à Lyon qu'il faut aller la chercher. Il naît dans une famille de négociants en soierie, comme il se doit lorsqu'on est de Lyon. Il naît en 1719, autant dire sous la Régence. Sa famille est installée depuis très longtemps à Lyon. Vous savez, elle fait partie de ces familles d'artisans, de commerçants qui se sont installés dès la fin du Moyen-Âge dans cette région. Il fait lui-même ses études à la Croix-Rousse, donc dans la banlieue de Lyon, au collège religieux des frères missionnaire, il va devenir un frère missionnaire à son tour, en quelque sorte. D'ailleurs, il va poursuivre sa formation à Paris, notamment au sein des missions étrangères. C'est un bon élève, il est d'une intelligence, d'une agilité d'esprit tout à fait extraordinaire, et il se passionne essentiellement pour deux disciplines, et là, ça ne va pas vous surprendre, les sciences naturelles, bien entendu, et mieux encore, la botanique. Vous savez, les grandes vocations naissent souvent très tôt et celle de Pierre Poivre, naturellement, n'a pas attendu les années pour se révéler. Lorsqu'il a 21 ans, oui c'est ça, puisqu'il est né en 19, on est en 1740, il a donc 21 ans, le voilà parti pour la Chine. Attention, pas du tout pour des raisons botaniques là, il part en mission d'évangélisation. On est toujours dans le cadre de ces missions étrangères. Oh, c'était une expédition extrêmement risquée à l'époque. La Chine déjà n'était pas tendre pour ces chrétiens qui prétendaient venir lui apprendre quoi croire et comment prier. L'expédition en question tourne mal. Pierre est emprisonné après avoir posé un pied sur le sol de l'Empire du Milieu. Et c'est en prison qu'il va, pour passer le temps et parce qu'il a cet esprit extraordinaire qui demande à être nourri, qu'il va apprendre la langue chinoise. C'est très important cette langue chinoise parce que ça va lui donner une sorte de supériorité par rapport à un certain nombre de ses comparses. Notamment, c'est une défense pour lui. Il sera désormais en mesure d'impressionner ses accusateurs par la qualité du langage qui est le sien et puis aussi par les connaissances scientifiques étendues dont il peut faire la preuve. Et du reste, il ne tardera pas à être libéré. Alors, aussitôt, il reprend sa mission première, si j'ose dire. Il tente de christianiser les populations chinoises, sans grand succès, disons-le, mais très vite, sous cette première vocation, en perce une autre, la vraie. Il a un objectif essentiel qui est de faire des recherches sur les plantes qui poussent là, dans ce pays du bout du monde. Et bien entendu, en Chine, que découvre-t-il ? Toutes sortes de variétés de riz, bien entendu, et puis des épices. Voici ce qu'il nous dit lui-même. « J'y fis des observations sur le commerce de ce royaume que nous ne connaissons pas encore. J'en étudiai l'histoire naturelle qui me fournit une grande collection. C'est cette collection qui compte avant tout à ses yeux. » En 1745, le voilà exclu des missions étrangères. Il est dès lors contraint de rentrer en France. Seulement, ne nous y trompons pas, il ne rêve plus que d'une chose, repartir, aller là-bas de nouveau en Extrême-Orient pour explorer de nouveaux paysages et pour apprendre à connaître de nouvelles plantes. Car vous l'avez compris, c'est ça qui l'anime, évidemment. Alors, la route du retour ne va pas du tout se passer comme prévu. Le navire de la Compagnie des Indes Orientales est attaqué par les Anglais, qui sont nos ennemis à l'époque, dans le détroit de Banca. Pierre est blessé. Il est blessé par un tir de canon. Il est vraiment très atteint. Il risque la mort pendant plusieurs jours. On se demande s'il va survivre. Et quand il en sort très mutilé, puisqu'il a quand même laissé sa main droite dans cette opération. Alors, il est de surcroît capturé, emprisonné à Batavia, notre actuelle Jakarta. À l'époque, c'est un port très prospère, évidemment. Il va rester là-bas pendant 5 mois. Alors, vous l'imaginez complètement abattu, voire comateux. Détrompez-vous, il observe. Et qu'observe-t-il ? L'arrivée et le départ de cargaisons de muscade et de girofle. On est là dans le grand négoce hollandais, bien entendu. Alors, il faut bien être conscient qu'en ce milieu du XVIIIe siècle, la Hollande contrôle tout le commerce des épices. Voici un extrait du voyage de Pierre Poivre de 1748 jusqu'à 1757. Je le cite. « J'appris que cette riche possession des épiceries, qui est la base de la puissance hollandaise aux Indes, avait pour principal appui l'ignorance et la lâcheté des autres nations commerçantes de l'Europe, et que pour partager avec les Hollandais cette source intarissable de richesses qu'ils possèdent en secret dans un coin du monde, il suffisait de la connaître et d'oser vouloir la partager avec eux. » À sa libération, Pierre Poivre rejoint Pondichéry. De là, il va se rendre en Île-de-France. Alors, quand je dis l'Île-de-France, pas la région, bien entendu. C'est l'île qui, à l'époque, porte ce nom. C'est notre actuelle île Maurice. Voilà encore ce qu'il écrit. « Je parcourus cette île, j'examinai ses productions, j'en reconnus une grande partie pour être les mêmes que celles qui se trouvent aux Moluques. Je vis beaucoup de plantes aromatiques. J'y observai le cannelier et le ravansara, qui est le fruit de l'arbre du même nom, qui y avait été transplanté. Ces arbres, bien que négligés et sans culture, n'avaient rien perdu dans le sol de l'île de cet aromate précieux qui fait leur caractère et leur mérite. » Quand Pierre Poivre parle d'aromate, vous avez bien compris que c'est d'arôme qu'il faut parler. En vérité, Pierre Poivre va commencer à partir de ce moment un travail considérable, un travail dont nous aussi nous sommes aujourd'hui redevables. Nous y venons dans un instant. On écoutait Georges Delerue avec ce titre paradisiaque et un extrait de la bande originale de la série Paul et Virginie. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'explorateur Pierre Poivre. Alors notre Pierre Poivre va tenter de rentrer en France, bien entendu, c'est quand même le but de son voyage. Alors ça va pas être sans mal, son paquebot est d'abord pris dans une tempête, c'est un naufrage absolument incroyable comme on en voit que dans les films. Il fait partie des rescapés évidemment, sinon je ne serais pas là à vous en parler. Il est récupéré par un navire néerlandais, mais ce navire lui-même est arraisonné par des corsaires malouins et finalement l'équipage va retomber aux mains des Anglais. Retour à la case prison sur l'île de Guernesey cette fois. Alors on se rapproche, vous me direz. Vous savez, à chaque fois que je découvre une destinée comme celle-ci, et Dieu sait qu'il y en a de nombreuses dans l'histoire, à chaque fois je me dis que finalement nous sommes, avec nos vies modernes, nous sommes bien peu de choses hein, à côté de personnages comme ceux-là. Finalement, Pierre Poivre va tout de même remettre les pieds en France. Il ne rentre qu'en 1748 et il a un projet en tête, évidemment, implanter dans des jardins du territoire français un certain nombre de ces arbres à épices, des girofliers notamment, des muscadiers. Alors pour ça, il faut avoir les moyens. Il va convaincre la Compagnie française des Indes. Il reprend la mer dès cette même année 1748. Il part cette fois de l'Orient avec pour mission de développer le commerce des épices avec la Cochinchine, c'est-à-dire la partie sud de l'actuel Vietnam. « Je m'embarquai, raconte-t-il, sur ce vaisseau avec deux commis, deux enfants de langue et un chirurgien. » Autant dire, pas grand monde quand même. Alors ils vont faire des escales. Hein. Ils sont en janvier 49 au Cap. Au printemps, ils sont déjà à l'île de France, donc à l'île Maurice. Juin, juillet, les retrouvent à Pondichéry. Et puis, le 29 août 1749, ils abordent enfin en Cochinchine où ils resteront jusqu'à la fin de l'hiver 1750. L'objectif est donc atteint. On peut dire que la mission de Pierre Poivre a l'air réussie. Je dis qu'elle en a l'air parce que ça n'est pas aussi simple que cela. Il ramène en vérité sur l'île de France des canneliers, des poivriers, mais il ne s'en tient pas là évidemment. Il a tout de suite un autre objectif qui va être d'acquérir un certain nombre de plants d'épicerie fine qu'il voudrait acclimater dans ces îles, dans l'île Bourbon et dans l'île de France. Et c'est la raison pour laquelle il repart pour la Chine, mais on se dit, mais il est infatigable. Nous sommes là le 2 juin 1750. Alors, arrivé là-bas, sur place, Pierre Poivre apprend qu'un marchand chinois a apporté quelques sacs de noix muscade dans un bâtiment malais. Lui-même arrive à récupérer 300 noix toutes fraîches. Il en plante quelques-unes et il voit que ça marche hein, assez vite. Une douzaine de germes sortent de terre. Tout ça est assez enthousiasmant, bien entendu. Le même chinois qu'il avait donc rencontré une première fois va lui transmettre 3000 noix muscades. C'est ce qu'il raconte lui-même dans une lettre datée du 12 février 1752. Mais, et c'est toute la déception de Pierre Poivre, il n'y a pas dans toutes ces graines, il n'y a pas de giroflier. « Je pensais, écrit-il, que l'unique moyen d'acquérir les plants de giroflier était de me servir de quelque embarcation du pays pour aller moi-même ou envoyer quelqu'un de confiance à la recherche de ces plants dans les îles où ils croissent à l'insu des Hollandais. » Mais tous les petits bâtiments qui auraient été propres à cette opération avaient été arrêtés par le gouvernement. Dans cette circonstance, je m'adressais au gouvernement général des îles Philippines. Je lui confiais par degrés le secret de mon entreprise. Je le mis dans mes intérêts et l'amenais à faire avec moi une convention relative à l'exécution de mon projet. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'un diplomate, d'un politique chez cet homme. Ce gouverneur, ajoute-t-il, me suggéra divers moyens dans lesquels il m'eût aidé sans se compromettre, mais ces moyens devinrent impraticables par le défaut d'embarcation convenable dont le pays manquait absolument. Enfin, il me proposa de lui-même, comme le plus sûr de tous les expédients, de demander à nos îles une frégate, à condition qu'elle ne paraisse à Manille que sous un pavillon asiatique suivant l'usage. Nous convînmes de l'état de cargaison que cette frégate devait apporter. Tout a l'air de marcher. Vous voyez qu'on essaie de tout faire à l'insu des Hollandais, bien entendu. en vérité, ce sera un désastre. Pierre Poivre ne peut pas mener à bien son opération. Et finalement, il va rentrer à l'Île-de-France avec 5 muscadiers. Il avait embarqué avec 19 plans. Il avait débarqué à Pondichéry avec 12 plans. Finalement, il y en a 5 qui vont marcher, vous voyez. Et évidemment, il confie tout ça au directeur du jardin d'essai de l'Île-de-France, donc de l'île Maurice. Alors, ces quelques plans sont bien jolis, mais ils ne suffisent pas à un homme comme Pierre Poivre. « J'avais déjà rempli seul et sans secours la moitié de ma mission, écrit-il, il ne me restait plus à acquérir que des girofliers. » Ça devient une espèce d'obsession pour lui. Il les veut, ces girofliers. Alors il reprend la mer. On est là en 1754, ça veut dire quand même maintenant il a 35 ans. Il tente d'accoster aux Moluques en vain. Il s'arrête sur l'île de Timor au Portugal. Il récupère des plants et des noix muscades. « Je les trouvais presque sans aromate, dit-il, donc sans arôme, sans parfum. Je regardais ces plants comme une espèce sauvage qui ne pouvait servir que pour la curiosité. » Et de retour sur l'Île-de-France avec ses plants, avec également quelques esclaves et de la cire brute, il se dit qu'il n'est pas arrivé du tout au bout de l'objectif qu'il s'était fixé. À l'arrivée, il aura du reste une assez mauvaise surprise puisque les plants ne prendront jamais, je dirais même qu'ils dépériront vite. Oh, le responsable est vite trouvé, c'est le directeur du jardin d'essai qui, semble-t-il, est jaloux et Pierre Poivre est totalement conscient de la situation. Le seigneur Aublet, dit-il, trouvé pendant la nuit à rôder autour du jardin, ne peut être que soupçonné d'un mauvais dessein, pour le moins. On peut dire que, de nouveau, Pierre Poivre est confronté à une difficulté. Il est assez irrité, disons-le, par ce nouvel échec. Il décide de rentrer à Lyon. Il sera de retour en avril 1757. Alors, d'après vous, quel âge a-t-il après tout ça, après avoir vécu tant d'histoires, 50 ans, 60 ans? Non, 38 seulement. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vous continuez, Franck Ferrand, à nous conter la vie de l'explorateur Pierre Poivre. Ainsi donc, Pierre Poivre est de retour dans son pays. « Je me présentais à la Compagnie des Indes dès le mois de mai, écrit-il, mais je ne pus obtenir de réponse qu'à la fin de septembre. Cette réponse fut qu'on n'avait aucune connaissance des opérations que j'avais faites aux Indes. Il y avait cependant un carton rempli de mes lettres, journaux, mémoires et autres pièces que j'avais envoyées annuellement. » Allez, les autorités sont quand même bons princes, si je puis dire. Louis XV va l'anoblir et il devient maintenant un homme connu et même célèbre. Il est le grand savant botaniste qu'on reçoit à l'Académie des sciences, dans les salons, etc. Sa future femme à l'époque n'a que 9 ans, mais elle se souvient de cet homme de retour sur ses terres natales. « Je me rappelle encore ce jour où tu rentras dans ta ville natale, écrit-elle. Ce jour où, avec ta respectable mère, ton frère, ta belle-sœur, modèle de toute vertu, avec mon vieux père, avec un concours de bons citoyens, nous allâmes au-devant de toi, où je te vis pour la première fois. Tu n'avais pas encore 40 ans, et cependant, que de choses déjà tu avais vues, que de choses tu avais faites. Je te vois encore telle que tu étais dans ce jour qui ne s'effacera jamais de mon cœur. Ta physionomie était douce et calme, elle exprimait la volonté et la bienveillance. Tes yeux noirs étaient pleins de vivacité, ta taille était élevée, une dignité naturelle régnait dans ton maintien. La noblesse de ton âme se peignait dans tes traits. » Oh, elle est amoureuse, cette femme-là, incontestablement. En 1766, Pierre Poivre sera nommé grand intendant des îles Mascareignes, donc cet archipel qui compte notamment l'île Maurice, l'île Bourbon. À l'époque, on disait l'île de France et l'île Bourbon, donc l'île Maurice et la Réunion. Il débarque à Port-Louis de nouveau en 1767. Cette fois, il a bientôt 50 ans et il va pouvoir monter une nouvelle expédition vers les Moluques. Alors, évidemment, il ne va pas prendre la mer en raison de son âge, mais cette expédition n'en est pas moins une très grande réussite. Un chef local cède à l'employé de Pierre Poivre d'importants plants de muscadier et de girofliers. Ça y est, cette fois, il est arrivé. Comment? Eh bien, parce que cet homme en question avait eu maille à partir avec les Hollandais et qu'il avait décidé de se venger des Bataves. Vous voyez comme les susceptibilités nationales peuvent parfois avoir de grandes répercussions, non seulement dans l'histoire de la botanique, mais également dans celle de l'économie. Car vous imaginez bien que derrière tous ces plants d'épices, il y a bien entendu de très gros intérêts. Ces plants sont ramenés sur les deux îles ou expédiés sur d'autres territoires français, je pense notamment aux Seychelles, à la Guyane. Alors, Que fait Pierre Poivre, lui, hein, sur son île de France? Eh bien, il va créer sur sa propriété un jardin que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Jardin botanique des Pamplemousses. Il s'étend aujourd'hui sur 37 hectares, à une dizaine de kilomètres de Port-Louis, on est vers le nord de l'île. En 6 ans, il va, on peut le dire, donner un autre visage, une autre physionomie à cette île. Il y organise les plantations, il en brise les monopoles, notamment les monopoles hollandais sur les épices, il acclimate girofle, muscade, poivre, ça, c'est le cas de le dire, cannelle, mais pas seulement, des espèces végétales comme le fruit à pain, le litchi, le manguier, le badamier, le mangoustan, le cacaoyer, la canne à sucre, enfin, etc. On a l'impression, lorsqu'on lit la vie de Pierre Poivre, de se trouver dans une sorte de rayon d'épicerie fine. Grâce à lui, l'Europe et plus spécifiquement la France vont pouvoir disposer de nouvelles épices, c'est-à-dire de nouvelles saveurs. Bonjour Catherine Khodorowsky. Quand on parle de saveurs, vous n'êtes jamais très loin. Je suis très heureux que vous puissiez aujourd'hui nous parler des épices. D'où vient ce mot épice du reste, hein? Alors c'est un mot latin, spécis, qui à l'époque voulait dire denrée. Et puis... C'est ce qui se consomme en quelque sorte. C'est ce qui se consomme. On va dire que ça correspond aux provisions aussi. Et puis c'est l'origine de notre mot espèce. Et voilà. C'est très intéressant parce que le poivre au Moyen-Âge était tellement coûteux qu'on payait les juges avec du poivre. Avec des épices, donc avec des espèces, ceux qui s'appellent payés en espèces. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, vous nous contez l'histoire des épices. Franck Ferrand avec votre invitée, Catherine Khodorowsky, historienne de l'alimentation et sociologue du goût, auteur notamment de 100% épices aux éditions Solar. Catherine Khodorowsky, qui est venue ici nous parler du café, nous parler du foie gras, nous parler du chocolat. Et aujourd'hui, avec Catherine, nous évoquons l'histoire des épices. Alors, un mot peut-être sur ce Pierre Poivre, quand même, qui n'était pas n'importe qui était bien nommé. Aucun rapport, d'ailleurs, avec l'origine du mot poivre. Hein, parce que j'ai vérifié, je me suis dit, mais il y a peut-être un rapport. Non, pas du tout. Le mot poivre existait depuis des siècles, quand le pauvre Pierre Poivre est né. On va dire qu'il avait un nom prédestiné, d'une certaine façon. Ah oui, et puis, dans notre histoire... C'est un grand homme parce que, vous nous l'avez bien dit, il s'est battu pour que la France soit au niveau de la Hollande, puisse avoir une renommée, une richesse sur les épices, mais il a fait aussi plein d'autres choses. Il est l'un des fondateurs de l'écologie. Et voilà. Hein, il a écrit les premières lois de protection de la nature, il faut le dire aussi. Et puis, il est l'un des premiers, à une époque où c'était pas courant du tout, de se soucier de l'amélioration du sort des esclaves. Parce que dans toutes les îles de France, Dire qu'il a passé beaucoup de temps lui-même dans les chaînes et en prison, donc il connaît un peu la condition servile et il a voulu aider les esclaves en quelque sorte à une époque où on était au pire de la traite des esclaves. Hein, absolument, et lui était vraiment persuadé de cette ignominie morale et de l'inutilité économique aussi. Hein, et c'est l'un des tout premiers à en être ému et je crois qu'il faut vraiment aussi en parler. Alors, il avait deux obsessions, semble-t-il, dans la vie, d'après ce que j'ai compris. La noix muscade et le clou de girofle, hein, c'était vraiment les deux épices qu'il voulait absolument acclimater d'abord dans l'océan Indien, dans cette île de France qui deviendra l'île Maurice, et puis il voulait bien entendu en faire profiter le plus vite possible la France et le commerce français. Ben, il faut dire que ces deux épices étaient à l'origine de la richesse des Hollandais, et voilà, qui protégeaient d'ailleurs ces deux épices de manière très très cruelle. Oui, la route des Moluques, elle appartenait aux Néerlandais à l'époque. Voilà, hein, et puis alors, quiconque dans leur colonie était pris avec une petite noix dans la poche ou le moindre clou de girofle pouvait être tué, on leur coupait la main, il se passait des choses absolument atroces. Alors certes, c'était des épices qui coûtaient extrêmement cher, comme le poivre. Ces épices ont été à l'origine des routes ouvertes tant par les Anglais que par les Portugais, que par les Espagnols, et c'était en fait une obsession pour tout le monde, parce qu'on avait bien conscience que ça coûtait très cher, et puis il y avait quand même ces Hollandais qui était richissime. Alors depuis toujours, hein, dès la plus haute antiquité, on avait utilisé ces différentes épices, enfin celles qu'on connaissait, parce qu'on en a constamment découvert de nouvelles. Et évidemment, Pierre Poivre a fait partie de ceux qui ont aidé à les découvrir. Mais on se servait de ces plantes pour donner du goût, pour changer le parfum des choses. C'est-à-dire aussi bien au goût qu'au nez, hein, d'ailleurs. Hein, il y a ces deux dimensions-là. Alors la première destination des épices, c'est l'assaisonnement tout de même. Alors oui, et c'est d'ailleurs la différence entre les herbes aromatiques, les aromates et les épices. Les épices vont renforcer le goût, alors que les aromates, avec le mot arôme, va renforcer le parfum. Et puis, il y a aussi les condiments. Quelle place leur donnez-vous à ces condiments? Les condiments, c'est la famille de tout ça, on va dire. C'est tout ce qui peut renforcer, compléter une saveur, un parfum. Sucre, sel sont des condiments. Autant le sucre a été classé d'ailleurs très longtemps comme une épice, autant le sel n'est pas une épice, puisqu'il a une origine minérale. Et que la définition d'une épice, c'est son origine végétale, que ce soit une écorce, une graine, une tige, une feuille, etc., etc. Alors, ces épices, depuis quand sont-elles utilisées en Europe? Qui les a importées dans nos contrées où elles sont très peu nombreuses? Alors, on a quelques herbes aromatiques dans le sud de la Gaule, mais enfin, on peut pas dire que ce soit tellement la spécialité de nos contrées. C'est vrai que en France, il ne pousse pas grand-chose comme épices, à part le safran qui est venu par l'Espagne, à part des herbes aromatiques. En fait, on a connu les épices par le bassin méditerranéen, par les Arabes qui avaient le courage d'aller en caravane en Asie, parce qu'il faut dire que la route terrestre était longue et très dangereuse, et que c'est par les grandes foires de Champagne ou les épices qui nous sont arrivées par Venise que la France s'est mise vraiment à consommer les épices. Finalement, on peut même se demander si au-delà du goût, de l'arôme, ce qu'il y avait d'attirant dans les épices, c'était la dimension voyage qu'elle contenait en quelque sorte en elle. Elle faisait rêver. Ah, c'était le rêve d'un ailleurs qu'on ne pouvait pas atteindre, parce qu'il faut dire que, à part les Arabes qui osaient prendre la route pour aller en Chine ou dans ces contrées lointaines, les Européens ne s'y risquaient pas quand même. C'était extrêmement dangereux. Donc on en rêvait parce que c'était inaccessible. On sait bien qu'on ne rêve que de ce qu'on ne peut pas avoir. Alors justement, venons-en à ces épices extrêmement anciennes. Est-ce que les Chinois sont les premiers à avoir utilisé des épices? Là, on remonte à plusieurs millénaires avant notre ère. On pense que les Chinois ont été la première civilisation, il y a plus de 5000 ans, oui, c'est ça. À cuisiner avec, entre autres, la cannelle, le safran, le gingembre. Alors ensuite, bien sûr, tout le bassin méditerranéen qui avait ce climat propice. Les Égyptiens, c'est très intéressant parce que ils cuisinaient avec les épices, mais ils s'en servaient aussi pour embaumer les morts. Eh oui. Aromates, c'était des dosages extrêmement savants qui permettaient de maintenir les chairs immarcessibles. Et oui, parce que quand ils avaient un corps, pour éviter que les odeurs soient trop fortes, pour repousser aussi les insectes, eh bien, ils remplaçaient les entrailles par des poignées d'épices bien sèches qui absorbaient, si je peux me permettre, une certaine humidité. Et quand on a retrouvé la momie de Ramsès II, on a trouvé du poivre dans ses narines. C'est pour dire que en Haute Égypte, vraiment, les épices avaient aussi une fonction sacrée. Alors, ça, c'est pour l'Égypte. La Grèce fait des épices un usage un peu particulier, puisqu'elle va jusqu'à parfumer les vins. Il ne faut pas oublier, c'est tous ces vins résinés de Grèce. Alors oui, on ne buvait pas un vin sans qu'il ait des épices, alors que le climat, pourtant, produisait des vignes sûrement très savoureuses. Au Moyen-Âge, par exemple, on a créé ce vin avec moult épices, qui a d'ailleurs apparemment été mise au point par Taïwan, et qui écrit sur ce vin qu'on a appelé Hippocras, pour une pinte, 3 tréseaux de cinnamome, c'est-à-dire de cannelle, on y met de la girofle, du sucre fin 6 onces, et mettez en poudre aussi du vin, qu'il soit coulé très longtemps pour qu'il s'évente et pour qu'il ne reste que la saveur des épices. Et cet Hippocras était vraiment le nec plus ultra du Moyen-Âge et de ce vin aux épices qui vient finalement aussi des Grecs. Et oui, bien sûr, là on est dans la lignée tout à fait directe. Les Romains avaient beaucoup utilisé les épices, alors on sait jusqu'à quelles extrémités la cuisine romaine est allée dans ses recherches. Ça fait beaucoup penser à notre cuisine actuelle, d'ailleurs, où on est dans des expériences de plus en plus limites et les cuisiniers romains sont allés très loin. Alors, ils en mettaient absolument partout. Ils avaient des recettes de panse de brebis qu'on retrouve d'ailleurs un peu en Écosse aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein, ou de tétines de truie qu'on bourrait d'herbes et d'épices. Bon, ces recettes-là, on aurait, à mon avis, un petit peu de mal à s'en délecter aujourd'hui. Quoique j'en connais qui seraient toujours curieux de goûter de nouvelles saveurs. Alors après avoir fait ce voyage dans le temps, Catherine Khodorowski, ce que je vous propose, c'est de faire un véritable voyage dans l'espace et d'aller voir à différents siècles ce qu'on consommait comme épices à travers le monde. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. On écoutait Georges Delerue, un extrait de la bande originale de la série Paul et Virginie, l'histoire des épices au cœur de l'histoire, cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invitée Catherine Khodorowski, historienne de l'alimentation et sociologue du goût, auteur notamment de 100% épices aux éditions Solar. Oui, Catherine Khodorowski, auteur de 100% épices chez Solar. On ne le trouve plus ce livre en fait, Catherine? On le trouve sur Internet. Sur Internet, oui, voilà. Et alors, je vous proposais d'aller nous promener un peu partout dans le monde à la recherche des épices les plus inattendues, les plus anciennes pour certaines. Alors, commençons évidemment par le Creuset, par l'endroit d'où tout vient, c'est-à-dire l'Asie. S'il y a un pays qui évoque, lorsqu'on en parle, les épices avec ses marchés d'épices extraordinairement colorés et odorifères, c'est bien entendu l'Inde. L'Inde qui est le premier exportateur d'épices au monde et qui surtout est à l'origine de mélanges d'épices. Alors, on appelle ça d'un terme un peu générique, l'écurry. Mais il faut savoir que ce terme curry a plusieurs sens. Hein. C'est d'abord une plante. On disait d'ailleurs autrefois, on disait les caries en français aussi. Voilà aussi. Mais en fait, les trois sens, hein, c'est une plante qu'on trouve en Inde, en Thaïlande ou en Malaisie. Et c'est aussi un mélange d'épices. Et voilà, c'est ça. Et alors, il faut trois épices au minimum, mais quand je dis trois, il y a des familles ou des villages qui peuvent monter à 20 épices pour faire une recette qu'on va appeler un curry. Et alors, ce terme va être utilisé aussi pour le plat, comme vous l'avez dit, curry ou curry. Hein. Mm-hmm. Donc, on peut parler d'un curry ou de crevettes ou de poulet, c'est-à-dire une viande ou un poisson qu'on va avoir cuisiné, qui aura macéré avec ce mélange d'épices. C'est vraiment la spécialité de l'Inde. Vous parlez de masala aussi, hein, qui est un autre genre de mélange aussi. Alors oui, sauf que le masala, ce ne sont pas que des épices. Hein, c'est-à-dire, ce sont des épices, mais qu'on va piler avec de l'eau, du jus de citron, du lait de coco, voire une huile, comme une huile de sésame. C'est en général assez fort. Et d'ailleurs, en indien, on appelle ça le garam masala. Et garam, ça veut dire chaud et brûlant. Ça veut tout dire. Ouais. Maintenant, l'émission est de 14 à 15, donc ça n'est plus tout à fait pareil. On a vraiment que les retardataires à table, mais c'est dommage parce que ça donne faim, tout ça. Évidemment, ça met l'eau à la bouche, ce que vous nous racontez. Parlons des 5 épices, au fait. Qu'est-ce que c'est que cet assortiment qu'on appelle les 5 épices? Alors, ce 5 épices, c'est une plante aussi. Hein, et c'est un mélange de 5 plantes. Alors là, à l'origine, vient de la Chine. Il faut savoir qu'en Chine, le chiffre 5 est sacré. Parce qu'on considère qu'il y a 5 éléments qui sont le feu, l'eau, la terre, le métal, le bois. Il y a 5 saveurs. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on a créé ce mélange d'épices avec 5 épices. Donc, le poivre, le fenouil, la girofle, la cannelle et le gingembre. Mais là encore, comme en Inde, il y a plein de recettes de 5 épices. Oui, c'est ça, ça dépend des régions, ça dépend aussi de ceux qui les font. Et des familles. Et des familles, hein, parce qu'au sein d'un village, il peut y avoir une tradition familiale, voire chaque famille est fière de sa recette qu'elle tient de ses aïeux. Bien sûr. Alors, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on va au Japon, Alors là, les épices ne sont plus en odeur de sainteté, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a au Japon une espèce de fascination pour le cru. On le sait, nous sommes tous bien placés pour le savoir, puisque cette mode a envahi littéralement les tables occidentales depuis une dizaine d'années. Mais au-delà du cru, pour le pur, pour l'aliment sans entourage, en quelque sorte, hein, libre de tout alliage. Le Japon aime les purs. Voilà, c'est ça. Et dans les purs, il y a pur, effectivement. Et ça veut dire que tout ce qui est trop relevé est considéré comme vulgaire. Tout comme au Japon, il est très mal élevé d'être trop parfumé. Par exemple. Oui, voilà. Hein, voilà. Donc c'est exactement ça. Et la seule épice qu'on utilise, c'est le réfort, qu'on appelle le wasabi, qu'on consomme sous forme de poudre et qu'on va diluer dans de l'eau, mais sur des poissons crus. Donc, vous voyez, c'est très subtil et c'est évidemment une épice à la fois par petites pincées. Alors, traversons l'océan Pacifique et allons voir ce qui se passe au Nouveau Monde, dans ce que Christophe Colomb a longtemps cru être les Indes, n'est-ce pas, et qui était donc cette Amérique. Il y a quelques épices en Amérique, mais pas tant que ça, finalement. On pense au piment, hein, ça évidemment, à différentes sortes de piments d'ailleurs. Oui, alors c'est très intéressant parce que les conquistadors sont partis, effectivement, à la recherche, entre autres, des épices, mais de l'or aussi, et des porcelaines, etc. Et quand ils ont mis le pied, effectivement, sur le continent américain, ils pensaient être en Inde, d'où cette appellation des Indiens. Et ils ont découvert le cacao, ils ont surtout découvert la vanille. La vanille, ah, a oui, une origine aztèque. Bien sûr. Hein, en plus de la tomate, de la pomme de terre, etc. Cette vanille qu'on adore tous, elle vient du continent américain. Peu d'épices, en fait, sont originaires de l'Amérique. Mais par contre, le Mexique, là où il fait chaud et humide aussi, a cette culture hein, des épices extrêmement fortes qu'on retrouve dans les nourritures aztèques. Et le plat national mexicain est le poulet au cacao, qui est en fait un poulet aux épices, avec toutes sortes de piments. C'est le poulet de fête, en quelque sorte. C'est le poulet de fête, mais alors fête triste ou moins triste, on en mange aux enterrements, on en mange à Noël, on en mange... voilà. C'est le plat national, ce poulet aux épices. La petite histoire raconte d'ailleurs que les religieuses de Oaxaca qui attendaient leur évêque, qui ne savaient pas quoi lui faire, ont ouvert leur armoire et ont pris comme ça très rapidement le cacao, toutes les épices, ont tué une petite dinde qui courait à côté et qui ont, elles ont tout mis dans une marmite et elles en ont sorti ce qu'on appelle le mole poblano, c'est-à-dire le poulet au cacao qui est aussi au piment et aux épices. Alors reprenons un peu la mer dans le golfe des Caraïbes. Moi, évidemment, lorsqu'on me parle d'épices, je pense d'abord aux Antilles, puisque j'avais un oncle martiniquais qui, à chaque fois qu'il nous faisait la cuisine, nous rendait malades, façon de parler, mais pour moi qui étais enfant, je me rappelle que ça me paraissait immangeable. Tout était extrêmement épicé. Alors, effectivement, aux Antilles, on appelle ça le colombo. Voilà. Et pas où, seulement, hein, d'ailleurs. Où, mais... ou le curry. Voilà. Alors, en fait, ce mélange d'épices qui correspond et qui est à peu près le même, en plus brûlant, on va dire, le même mélange que le curry indien, a pour origine les immigrants tamouls du 19e siècle qui sont arrivés aux Antilles avec leurs recettes, forcément, et qui ont appelé Colombo du nom de la capitale du Sri Lanka, Ceylan à l'époque. Hein, et donc, ils ont baptisé ça pour avoir la petite larme à l'œil quand ils se faisaient leur plat à eux, qui leur rappelaient leurs racines. Alors, vous êtes venu vous-même avec vos épices, si je puis dire, et pourtant je ne suis pas un juge du Moyen-Âge, Catherine Khodorowsky. Qu'est-ce que c'est que ces jolies fèves que vous avez là et qui ont un parfum très singulier? Ce sont des fèves de Tonka. La fève de Tonka, c'est la graine... On trouve ça où, à peu près? On trouve ça en Indonésie. Mm-hmm. Et c'est la graine du bois de teck, qu'on connaît tous pour les meubles de jardin. Et cette graine, en fait, a été rapportée par l'un de nos grands chefs, Alain Ducasse, il y a 5 ou 7 ans, à peu près. Avant, on ne la cuisinait pas chez nous. On l'utilisait pour la mort aux rats. N'ayez pas trop peur. Et surtout, je crois qu'on a tous un souvenir d'enfance d'un oncle qui fumait la pipe et qui répandait cette odeur, un peu de vanille, de pain d'épices, de rhum. Une odeur sucrée, comme ça. Voilà. En fait, hein. Et qu'on appelait le tabac Amsterdamer. Et ce tabac, en fait, il était parfumé à la fève tonka, que des grands parfumeurs français utilisent depuis assez longtemps dans leurs parfums, et qu'aujourd'hui on râpe. Alors, en toute petite quantité, encore une fois, c'est une fève qu'on ne doit pas manger comme ça, parce qu'elle peut être poison, hein, mais qu'on râpe sur une sure ou dans une crème brûlée, sur un foie gras, c'est absolument divin, et dans plein de desserts, dans des chocolats. Et aujourd'hui, la gastronomie française adore la fève de tonka. C'est votre épice préférée, vous? Non, c'est la plus nouvelle en tout cas. Mais... C'est la plus nouvelle, on ne la trouve pas encore facilement. Alors moi j'aime les épices quand elles sont utilisées vraiment avec doigté, parce que on a coutume de dire qu'on commence par en mettre une pointe de couteau. On goûte, parce que quand on en met trop, après oui, c'est ça, on peut pas faire marcher l'arrière. Voilà, voilà. Merci infiniment Catherine Khodorowsky de nous avoir fait rêver et voyager à travers toutes ces épices. On pourrait parler de bien des choses, on a très peu parlé de la cannelle par exemple, mais qui a joué un rôle très important, également en parfumerie, il faut pas l'oublier bien sûr. Vous parliez du simamum ou du nard de Troène autrefois. Ah mais qu'on cite dans la Bible. Bien sûr. Hein. Les épices en fait, c'est vraiment un appel du lointain, c'est ce qui fait rêver. Et aujourd'hui par la mondialisation, par les immigrations aussi, eh bien nous avons les épices à portée de main. C'est pas pour autant qu'on sait bien les cuisiner, c'est dommage. Mais en tout cas, je trouve que ces petits bouts de la nature nous racontent beaucoup de choses et nous font rêver, et ça c'est tellement important. À condition d'avoir des personnes pour nous aider à les déchiffrer. Merci beaucoup Catherine Khodorowsky. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Tirza qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission, qui aimerait connaître l'origine de l'expression « c'est pas le Pérou ». Oui, je pense que si cette expression surprend à ce point Tirza, c'est parce qu'elle est elle-même péruvienne. Elle se dit, mais pourquoi est-ce que les gens disent c'est le Pérou, c'est pas le Pérou? Bien, tout simplement pour nous, et on reste là tout à fait dans notre thématique des épices, des voyages lointains et de l'imaginaire d'autrefois, le Pérou, c'était ce pays d'Amérique du Sud extrêmement riche en mines d'or et d'argent. On savait très bien au XVIe et encore plus au XVIIe siècle, en France, on savait très bien que l'or des Espagnols, que la richesse hispanique venait essentiellement de ce Pérou, bien entendu. D'après le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, le Pérou exprime donc tout simplement l'idée d'une grosse fortune. Et quand on dit « c'est pas le Pérou », ben c'est tout l'inverse. Ça veut dire que on est très loin d'une grosse fortune. Hein. Ça désigne tout simplement la médiocrité d'un gain ou quelque chose qui rapporte peu. Alors, cette expression, elle est directement liée à cette histoire espagnole dont je vous parlais. À l'origine, en 1531, les conquérants, les conquistadors, débarquent au Pérou. On est au centre de l'Empire Inca, fondé par Manco Capac, le premier empereur du peuple Inca, à Cusco. Cet empire est réputé pour ses mines d'or. C'est le fameux Eldorado qui va si longtemps faire rêver les Européens du beau XVIe siècle. Le pays de l'or, où les Européens mènent donc des explorations afin de trouver les gisements et afin de s'enrichir. En 1532, Pizarro avait défait les Incas au Pérou. Il capture l'empereur, Atahualpa, et cet empereur prisonnier va livrer aux Espagnols de très grandes quantités d'or. C'est le début de l'afflux dans les caisses européennes et d'abord dans les caisses espagnoles, à travers ces galions qui traversent l'Atlantique, de l'afflux des richesses du Pérou. Voyez directement d'où vient cette expression. D'ailleurs, au XVIIe siècle, le mot Pérou devient carrément un nom commun pour désigner un trésor, pour désigner une fortune. On dit c'est un Pérou, ou alors précisément ce n'est pas un Pérou. Ça évidemment c'est une acception qui n'est plus tellement utilisée aujourd'hui. D'ailleurs l'expression c'est pas le Pérou est moins utilisée aujourd'hui, n'en déplaise à Tirza. On aurait plutôt tendance à dire aujourd'hui ah c'est Byzance ou bien ce n'est pas Versailles. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène pas au Pérou avec les experts Europe 1, mais je vous emmène dans les quatre coins de la France avec la SNCF. Nous allons parler des voyages en train, les bons plans notamment, comment les dénicher. Puis on va aussi parler un peu des couacs. Quels sont les litiges que vous avez avec la SNCF? Comment les résoudre? Eh bien, on attend vos questions, vos témoignages au 3921. C'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck. Merci beaucoup Elena. Nous nous retrouvons lundi, Céline. Oui, à lundi Franck. Bon week-end.